La grippe est une infection respiratoire d'origine virale. Les premiers symptômes de la grippe comportent des maux de tête, des frissons et une toux, selon le docteur Jean-Claude Chicharayo. C'est une maladie virale qui attaque surtout les voies aériennes supérieures et qui peut aussi progresser jusqu'au niveau même des voies aériennes inférieures. Et c'est une maladie aiguë. Donc, qui survient rapidement, elle a une période d'incubation de 1 à 3 jours. Et puis, quand elle apparaît, normalement, elle dure de 4 à 7 jours en temps normal des choses. Elle a plusieurs manifestations. Il y a d'abord la fièvre, il y a des écoulements nasaux, il y a l'asthénie, il y a la courbature, il y a aussi une toux sèche au premier moment et qui va continuer à se changer pour devenir grasse plus tard. Le docteur Jean-Claude Chicharayo fait savoir que la grippe touche surtout les gens qui ont un état immunitaire faible. C'est une maladie grave, mais qui peut passer inaperçue chez certaines personnes qui n'ont pas d'autres pathologies. La grippe touche surtout les gens qui ont un état immunitaire encore faible. Je parle déjà des petits-enfants et qui ont une immunité qui n'est pas encore mature. Il y a aussi les gens vieux et qui ont une immunité affaiblie. Il y a aussi les gens qui ont une immunité affaiblie, notamment les gens qui sont porteurs de virus du VIH-Sida. Il y a les diabétiques et les hypertendus aussi. Et les femmes enceintes, et ce sont des catégories vraiment qui sont très vulnérables à ce genre de maladie. Cette maladie peut devenir extrêmement grave s'il touche ces catégories de gens dont j'ai parlé tout à l'heure. La grippe est très contagieuse et se propage facilement d'une personne à une autre. Ainsi, des mesures d'hygiène peuvent permettre d'éviter sa transmission. Et c'est une maladie contagieuse qui se transmet d'homme à homme, surtout dans des régions où il y a de grandes concentrations de personnes, notamment au niveau des arrêts bus, notamment dans les marchés, ainsi de suite. Si on parvient à contrôler le mode de transmission, parce que c'est un mode de transmission interhumaine. Donc, dans les pays développés où on peut trouver facilement de masques, s'il y a une déclaration d'épidémie, on doit porter ces masques. Et ici, je dois dire qu'il faut que les gens soient conscients. Nous avons l'habitude de nous saluer en donnant la main. S'il y a cette maladie de grippe, ça peut se contaminer facilement d'homme à homme. Donc si je me mouche avec la main, que je te touche la main, directement je te transmets la maladie. Et elle va se transmettre par voie aérienne et aussi par contact direct. Donc si on parvient à contrôler cet mode de contamination, on peut facilement contrôler la maladie. Ce médecin indique que pour traiter la grippe, on fait recours aux médicaments qui peuvent soulager certains symptômes suite au manque de médicaments propres à cette maladie au pays.